joie vient le matin, les problèmes durent qu'un temps. Mais il y a un ami nommé Jésus qui est sûr à toute ta lame. Si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Oh, oh. Hey. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui est sûr à toute l'âme. Si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. C'est que je réussirai, je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie je résisterai, quel que soit ce qui arrivera, ma vie est entre ses mains. Avec Jésus, je le peux, avec lui, je résisterai, quel que soit ce qui arrivera, ma vie est entre ses mains. Je sais que je réussirai. Désarmée, je crois en toi et je te donne toute ma vie. Et je sais qu'avec toi je réussirai. Je sais qu'avec toi je rentrerai dans ma destinée prophétique. Seigneur, tu es tout pour moi. Je t'accorde ma vie. Béni sois-tu, Éternel. Que ton nom soit glorifié à tout jamais. Toi le vivant pour l'éternité. Ma vie est entre ses mains.